بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتيبا أبو تيمية خليل المتنيكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. Toujours dans Kitab Tahara, Bab Izalat Najasati wa Bayaniha, le livre de la purification, le chapitre de comment enlever les impuretés et quelles sont-elles. Faqala al-hadith al-thalith wa ishrun anhu ay an Anas qala لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهانيانكم عن لحم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وكل دي والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى selon Anas رضي الله عنه qui l'a dit lorsque ce fut le jour de Khaybar, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Abu Talha, qui se mit à proclamer, c'est-à-dire au milieu des gens, que Allah et son messager nous interdisent les viandes, la chair d'ânes domestiques, car elles sont une chose infecte. Le hadith, il est muttafaqun alayh. Donc il dit المسائل والأحكام والمستبالة من الحديث. Donc les règles et les sujets attirés de ce hadith. أولا اختلاف العلماء في نجاسة الحمار الأهلي والبغل. La divergence des savants quant à l'impureté de l'âne domestique et du mulet. Donc il dit que l'imam Ahmed, c'est une parole qui est célèbre, qui est connue, lui, il voit que les deux sont une najasa, une impureté. Et beaucoup de gens de son madhhab l'ont suivi en cela. Et ils ont pris comme preuve ce hadith lorsqu'il dit فَإِنَّهَا رِجْسٌ, que certes c'est une chose infecte. Et quant à l'imam Malik, l'imam Shafi'i, eux ils voient qu'ils sont purs. Et c'est également une parole d'imam Ahmed, l'une de ses paroles. Et que certains de ses suiveurs dans son madhhab ont pris aussi. Après, c'était une parole de l'imam Ibn Qudama dans le Mughni, où il dit que la vérité, la parole véridique, c'est que les deux sont purs, l'âne et le mulet. Pourquoi? Car le messager d'Allah les chevauchait. Il montait sur l'âne et sur le mulet à son époque. Donc si jamais ils avaient été najasa, une impureté, ils l'auraient clairement démontré et déclaré. Car c'est une chose faisant partie du quotidien des gens à cette époque. Un peu comme le chat, par exemple. Tu vois le chat, qui est un animal qui tourne autour des gens. Donc il l'aurait déclaré clairement. Et lorsqu'il a dit « Inna rishtun », c'est une chose infecte, il l'a voulu par là, qu'elle soit une chose interdite, comme l'alcool, par exemple, comme le jeu de hasard, comme le tirage au sort par les flèches, et ainsi de suite, comme on l'a pris dans le sujet précédent. « Rijt » n'inclut pas forcément Al-Najasa. Ou également, il a voulu dire en disant Rishton qu'il se peut qu'il ait voulu les viandes qui étaient dans leur marmite. Pourquoi? Car il s'agit d'une viande, elle est une Najasa impureté, car ce qui a été égorgé, mais qui n'est pas comestible à la consommation pour nous, qui n'est pas licite, devient Najasa. La viande qui nous est interdite à la consommation, si on l'égorge, par exemple demain tu égorges un chien, tu égorges un lion, tu égorges ce qui a un texte qui stipule que c'est interdit à la consommation, c'est illicite, cette viande devient de meïta. Le porc par exemple, sa viande n'est pas pour autant, ça devient de la meïta. Et sa najasa vient du fait que c'est une meïta, la chair morte. Mais son vivant il était pur. Donc l'âne il rentre là-dedans, son vivant il est pur, d'accord. Et si on dit que c'est une najasa, c'est peut-être parce que c'est une chair morte du fait qu'il ne nous est pas laissé de le consommer. طيب. Et le shir dit, Cheikh Ibn Zayed, il explique également que le sens de rijd, de le sens de saleté, cela n'implique pas forcément qu'il soit une impureté. Hein, que ce soit une chose qui soit sale, malsaine. En tant que chair, on parle. Pas en tant qu'animal, mais en tant que chair à manger, c'est une chose malsaine. Ça, c'est la parole prépondérante qu'il voit. En tout cas, que l'âne n'est pas, et le mulet ne sont pas des impuretés. Et rapporte l'imam de l'imam, une parole de l'imam Sana'ani, dans Soubou le Salam, où il dit que justement, il confirme que l'âne et le mulet ne sont pas impurs, car l'origine dans les choses, c'est quoi? La pureté. Tout ça, ce qu'on a une preuve claire qui démontre le contraire. Et là, ce n'est pas le cas. Rijsun n'a pas forcément le sens de la pureté. Bon, j'ai perdu la page. Et c'est l'avis de Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, qui était le mufti anciennement, et de Cheikh Sa'di, et de Cheikh Al-Ansaymin, rahmatullah alayhim jami'an. Maintenant, il dit mas'ala hukm akl al-humur al-ahliya. Jugement quant au fait de manger de l'âne domestique. Il cite une parole de Nawawi dans son Sharh al-Muslim, où il dit, rahmatullah ta'ala, que l'ensemble des savants, c'est-à-dire la plupart des savants, parmi les Sahaba et les Tabi'in et ceux d'après eux, voient que leur viande est illicite. Comme le prouve ce hadith. Il fut rapporté une parole de Ibn Abbas qui dit que ce n'est pas haram. Et une parole de Malik également. Que c'est juste makrouh. Bien que la parole authentique, c'est qu'elle soit là, illicite. Et eux, sur quoi ils se basent pour dire cela? Sur un hadith qui à la base, il est faible. Qu'un homme s'est rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il n'avait plus rien pour nourrir sa famille, à part ses l'âne. D'accord? Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu as interdit d'en manger, donc comment je fais? Dans le sens. فقال يا رسول الله أصابتني السنة فلم يكن لي في مالي ما أطعم أهلي إلا أثمان حمر وإنك حرمت لحم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من ثمين حمورك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني بالجوال التي تأكل الجلة ويا العذراء. Donc dans ce hadith, cet homme dit qu'il ne me reste plus que on va dire la graisse et de la chair de l'âne domestique et tu l'as interdit pour nourrir ma famille. Son ami lui dit, nourris dans ta famille, d'accord, car moi je ne l'interdis que du fait que l'âne se nourrit yani des poubelles, des choses sales. Quand même, des choses sales. Il prend le hong de El Jalala, l'animal qui est abandonné, qui mange des poubelles, comme un coq ou n'importe quel animal. Cet animal-là, à la base, tu ne peux pas le manger, car sa chair est rendue sale. Il faut laisser 3 jours manger de la nourriture saine pour se nettoyer. Donc l'âne l'a mis dans le jument de même El Jalala, qui mange des choses impures ou sales. Cependant, le hadith, il est muttarib. D'accord? Et qui a un grand khilaf dans sa chaîne de narration. Donc le hadith a été affaibli. Il ne peut être pris comme preuve. Ça y est. Donc c'est quoi par rapport à Ibn Abbas? Il dit qu'Ibn Abbas, radiallahu anhu, la parole lui est parvenue, l'interdiction. Dans le hadith, c'était par Anas, Ibn Khaybar. Mais dans le Sahih, il dit, La adri a naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-humur al-ahliya min ajli annahu kana humulat al-nas fakariha an tadhhab humulatuha ou haramaha al-bata yom al-khaybar. Donc Ibn Abbas, comme cela fut rapporté de lui authentiquement, Muttafaqun alayhi, il dit, je ne sais pas si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a interdit la viande d'un domestique du fait qu'il soit une monture pour les gens, de crainte que leur monture s'en aille, c'est-à-dire qu'à force d'en manger, il ne reste plus rien, ou alors qu'il interdit complètement yom al-khaybar, et qu'il dit, je ne sais pas la cause. Donc cela prouve que le hadith est parvenu. Quoi qu'il en soit, il dit, le Hafiz Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, il dit quoi? En répondant par rapport à l'interrogation de Ibn Abbas. Il dit, que cette hypothèse faite par Ibn Abbas, elle, en soi, n'enlève en rien le jugement qui était donné dans la hadith qui était clair. Inna rishtun. Là, c'est un ihtimal d'Ibn Abbas, mais on a un hadith du Prophète qui est clair, qui dit Inna rishtun. Donc, qu'il s'agisse que l'animal mange de la poubelle ou qu'on ait peur que sa mouture parte, on a un hadith clair qui dit qu'en manger, sa chair est une chose mauvaise. Donc, on n'a plus à, comme on dit, à chercher à savoir comment ou comment. On a un hadith clair, on agit en conséquence. Hein? On agit en conséquence. Et confirme que le hadith cité auparavant, de cet homme qui voulait, à qui le Prophète aurait autorisé de manger de la viande de l'âne, c'est un hadith qui est faible. Et le hadith est rapporté par Ibn Abu Daoud selon Arib Ibn Abjar. Arib Ibn Abjar. Après il dit Mas'ala, Hukm al-Hayawan al-Ladhi Layuk al-Lahmuhu Ida Zubkiya. Jugement de la viande qui ne veut pas licite la consommation si jamais elle est égorgée. Quand même s'il est égorgé. Donc il dit que Ahmed et Shafi'i, Daoud et d'autres voient que la viande, la chair de l'animal qui nous a interdit la consommation, même s'il est égorgé, il reste impur. Car son égorgement n'est pas légiféré. À la base, tu n'as pas le manger, tu n'as pas l'égorgé. Et également, ils ont pris ce hadith comme preuve. Inna rishtun. Bien que le rishtun, on a dit rishtun, n'a pas forcément le sens de impureté. Et un hadith de Salama ibn Aqwa, mutafakun alayhi, fihi. أن الصحابة نصبوا القدور يوم خيبر باللحوم الحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرقوها واكسروها فقال رجلون يا رسول الله أو نحرقوها أو نغسلوها فقال أو ذاك que les sahaba يوم خيبر ont eu justement des marmites, des casseroles qui avaient été entachées de viande d'âne. Donc le Prophète leur a dit jetez-les et cassez-les. Et un homme a dit, et si vous les lavez? Il a dit, aussi cela. Vous pouvez les laver. Même vous pouvez les laver. Et Abu Hanifa et Malik, dans une version, dit que ce qui a été égorgé, sa peau devient pure. Et certains Hanafiya disent, même sa chair, elle est pure. Quoi qu'il en soit, au final, Shir Ibn Hizam, il dit quoi? Qu'il est possible qu'on prenne comme preuve l'impureté des animaux interdits à la consommation s'ils ont été égorgés du fait qu'ils sont devenus la chair morte, tout simplement. Enfin même, cela suffit à dire que cette chair elle est impure, car c'est devenu de la maïta. Même tu as pris un animal, on a dit, tu as dit bismillah, tu l'as égorgé par exemple, tu as égorgé un chien, tu dis bismillah, cet égorgement n'est pas légiféré, donc il n'est pas accepté et cette viande devient la chair morte. La charmance, c'est quoi son jugement? Elle est une impureté. Naam. Et il dit également, même l'animal qui nous est licite à la consommation, c'est l'égorger de façon non légiférée. C'est quoi son jugement? Meïta. Il devient une impureté. Salam alaikum. Ah oui, il devient une impureté. Par contre, sa chair, sa peau, si elle est tannée, on a déjà pris le sujet. Ah, mais le reste, la viande, tout ça. Sa viande est illicite, la consommation. Mava? C'est-à-dire? Et l'âne et le mulet? Ouais. Ça rentre dans le même truc. Qu'est-ce qui rentre dedans également? Le zèbre. Sauf que le zèbre est licite à la consommation. Car le zèbre, c'est el-himar, el-warshi. Il rentre dans l'âne sauvage. Mais le zèbre est rentré dans la catégorie des ânes. Par contre, l'âne sauvage, tu peux en manger. Là, on parle de l'âne domestique. L'âne domestique. Attention, l'âne sauvage est licite à la consommation. Quand même, il y a des hadiths là-dessus. Il y a une différence entre l'âne domestique et l'âne sauvage. Ce n'est pas un jugement dans l'absolu de tous les ânes. C'est l'âne et le mulet domestique. Comme tu as dit, Fahada. Tu as compris? Donc le jugement, c'est que l'âne et le mulet domestique sont interdits, illicites à la consommation. Mais de leur vivant, ils restent purs. Pour simple preuve, on monte dessus. Et le contact direct avec Najasa est interdit, à la base. Le contact direct avec une impureté est interdit. Donc comment on va monter sur une chose qui est impure? On ne peut pas. Même ma foumahada. On a que ta vie bihada, ou alhamdulillah, l'orbilalamin.